Exercice 12, page 85. Il se trouve que je n'ai pas d'enfant. Mais Super Nounou ne s'occupe pas de nos sentiments. Personne ne s'en occupe. Tout le monde a le mode d'emploi. Pour les courses, le ménage, les sorties d'école et les devoirs. Personne ne l'a pour la coupure.